retour. Insurrection. Juste. Possibilité. Insurrection dans ma tête. Pourquoi pas déjà? Serait le début de la fin d'une civilisation. Une proposition portée par du son sensation intuition. Début d'une insurrection dans ma tête, dans ta tête, peut-être. Début de la possibilité. Beauté. Insoupçonné. Touché. Cœur. Moi. Effaré. Arthur Rimbaud, foudroyé, par les astres, des astres, une possibilité. Traverser des astres, sensibilité révolutionnaire, parce que révolutionnaire, parce que sensible, uniquement révolutionnaire, parce que révolutionnaire, parce que possibilité, désastre, poésie, dante, et dante. Révolutionnaire parce que sensible, enfin, l'émission dans Sabotage. Sabotage. Dialoguer. Ce dialogue social, mise en scène, violence des échanges en milieu tempéré. Violent. violence symbolique. Corps, corps, arcan, sommeil. M'empêchant de dormir, presque de penser. Heureusement, mes amours, mes amis me sauvent de la mort. Pourtant je suis pas un mineur. Putain. Je suis pas creusé au cœur de la terre. Putain. Au cœur et au corps marqué. Prolétariat, c'est du new prolétariat. Inscrit dans mon corps, mon cœur, ma tête. Violence symbolique, jour après jour, même plus une conscience de classe, j'ai pas de classe, j'ai plus de territoire. Territoire. Revenir à la source, plus possible. Trop loin. Derrière l'épée, brouillard de fumée, de la crise permanente dans laquelle je suis né, la crise permanente. Analyse. Tu j'ai des données pour analyser les sources systémiques du problème. Revenir à la source. Je sais d'où ça vient. Paralysé, acrasie, je sais, source, paralysé, je suis, pour résoudre problème. Arsenal. Here and now, for the present door. Yes. Acrasie. Plus puissant. Élaboration de mon impuissance. C'est que le collectif, l'autre, depuis le début, solution. Faiblesse. Je sais que le début. Solution. Faiblesse, croire en l'autre, la possibilité, pas se laisser isoler, la force de l'humanité, c'est l'autre, altérité. C'est grâce à l'autre. Être vrai. Tout le monde est faible. Montrer au puissant que j'accepte d'être faible. Ça détruit sa puissance. Car ayant cru m'avoir écrasé, au contraire, m'a renforcé. De mon refoulé me fait pas peur. Non, car j'accepte faiblesse, mortalité, transmission. L'erreur d'avoir fait des enfants. Violence des échanges en milieu tempéré. Erreur, l'heure, c'est pas au Parlement qu'il faut s'en prendre. Maintenant, se rendre we'll be right back. devant l'évidence de la catastrophe. Il y a ceux qui s'indignent, ceux qui prennent acte. Et ceux qui tranquillement s'organisent.